Conte du tsar Saltan et de la belle princesse Signe par Alexandre Pouchkine. Trois jeunes filles à leur fenêtre filaient un soir tardivement. « Si j'étais tsarine, dit l'une, à moi seule je préparais un festin pour le monde entier. »« Si j'étais tsarine, dit sa sœur, à moi seule je tisserais une toile fine pour le monde entier. »« Si j'étais tsarine, dit la troisième sœur, j'enfanterais un beau gâtir pour notre père le tsar. » À peine eut-elle le temps de prononcer ces mots, que la porte grinça doucement sur ses gonds, et que dans la chambre entra le tsar, souverain de la contrée. Il s'était tenu caché, durant toute la conversation, derrière le mur. En tout, les paroles de la dernière lui avaient plu. « Bonjour, belle jeune fille, dit-il, sois tsarine. Enfante un beau gâtir pour moi à la fin de septembre. Et vous, chère sœur, sortez de la chambre. Partez à ma suite et à celle de votre sœur. Que l'une soit filandière et l'autre cuisinière. » Le tsar sortit dans l'antichambre. En hâte, tous partirent vers le palais. Le tsar, sans long préparatif, se maria le soir même. Le tsar Saltan et la jeune tsarine présidèrent au festin d'honneur, puis les invités mirent les jeunes époux sur un lit d'ivoire et les laissèrent seuls. La cuisinière rage dans sa cuisine. La filandière pleure devant son métier. Toutes deux jalousent la femme du souverain. La jeune tsarine, selon sa promesse, conçut cette nuit même. On était en guerre en ce temps-là. Le tsar Saltan dit adieu à sa femme. Montant sur son bon cheval, il lui enjoignit de bien se garder par fidélité d'amour. Cependant qu'au loin il combat longuement et âprement, le temps approche de l'accouchement. Dieu leur donne un fils, long d'une aune. Comme une aigle sur son aiglon, la tsarine veille sur son fils. Elle envoie au tsar un messager portant une lettre annonçant la grande joie. Mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, veulent perdre la tsarine. Elles ordonnent d'arrêter le messager. Elles en envoient un autre, portant ceci, mot pour mot. « Cette nuit, la tsarine ne mit au monde ni un fils, ni une fille, ni une souris, ni une grenouille, mais un petit animal inconnu. » Quand le tsar entendit ce que lui rapportait le messager, dans sa colère il vit rouge et voulut le faire pendre. Mais s'adoucissant pour cette fois, il lui donna l'ordre suivant. Que l'on attende le retour du tsar pour décider légalement de l'affaire. Le messager part avec la lettre. Il arrive enfin, mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, ordonnent de le dépouiller. On le fait boire jusqu'à ce qu'il tombe ivre mort, et dans sa giberne, on glisse une autre lettre. Ce jour-là, le messager ivre apporte l'ordre suivant. Le tsar ordonne à ses boyards de jeter dans l'abîme des eaux, en secret et sans perdre de temps, la tsarine et son enfant. Il n'y avait pas à hésiter. Les boyards, après s'être affligés sur le sort de l'empereur et de la jeune tsarine, entrèrent en foule dans sa chambre. Ils proclamèrent la volonté du tsar, quel mauvais destin la frappait, elle et son fils, et lui eurent l'ordre à haute voix. Et l'on mit aussitôt la tsarine et son fils dans un tonneau que l'on goudronna, que l'on roula, et que l'on jeta dans l'océan. Ainsi l'ordonna le tsar Saltan. Les étoiles scintillent au ciel bleu. Les vagues se jouent sur la mer bleue. Un nuage glisse dans le ciel. Le tonneau flotte sur la mer. Telle une veuve inconsolable, la tsarine pleure et se débat. Cependant, l'enfant grandit, non de jour en jour, mais d'heure en heure. Un jour passe. La tsarine se lamente. L'enfant presse la vague. Vague, oh ma vague, tu es libre et vagabonde, tu déferles à ton gré, tu aiguises les pierres de la mer, tu inondes les rivages, tu soulèves les vaisseaux, n'abandonne pas nos âmes, jette-nous sur la terre ferme. La vague obéit aussitôt. Elle poussa le tonneau vers une grève et se retira doucement. La mère et son petit sont sauvés. Elles sont la terre sous elles, mais qui les sortira du tonneau? Dieu les délaissera-t-il? L'enfant se dresse sur ses petits pieds. Il appuie la tête contre le fond. Il pousse de toutes ses forces. « Comment, dit-il, percer ici une fenêtre sur le dehors ? » Il défonce le tonneau et sort. La mère et le fils sont maintenant en liberté. Ils voient une colline s'élever au milieu d'une vaste prairie. La mer bleue est alentour et sur la colline pousse un chêne au vert feuillage. Le fils pense, toutefois, qu'un bon dîner leur serait nécessaire. Il casse une branche du chêne et la plie en un arc rigide. Il prend le cordon de soie de sa croix baptismale, la tend sur l'arc de chêne, cueille une mince baguette, la taille en fléchette légère, et s'en va chercher du gibier au bord du vallon près de la mer. À peine s'est-il approché de la mer qu'il perçoit comme une plainte. Sans doute, la mer est-elle agitée? Il regarde. Mauvaise affaire. Un cygne se débat parmi les crêtes des vagues. Un vautour plane au-dessus de lui. Le malheureux frappe l'eau de ses ailes, la trouble, la fait bouillonner. Le vautour a déjà sorti ses griffes, il a tendu son bec sanglant. À ce moment, une flèche chante et se fiche au cou du vautour. Dans la mer, le sang se répand. Le tsarévitch baisse son arc et regarde. Dans la mer, le vautour s'enfonce. Il se plaint d'un cri, qui n'est pas d'un vautour. À ses côtés nage le cygne. Il hâte, à coups de bec, sa mort toute proche. Il le frappe de l'aile. Dans la mer, il le noie. En langue russe, il dit ensuite au tsarévitch : Tsarévitch, mon sauveur, mon puissant libérateur, ne te chagrine pas si par ma faute tu restes 3 jours sans manger. Si par ma faute, la flèche s'est perdue dans la mer. C'est un malheur et ce n'en est pas un. Plus tard, je te récompenserai, je te rendrai service. Ce n'est pas un cygne que tu as délivré, c'est une jeune vierge que tu as laissée parmi les vivants. Ce n'est pas un vautour que tu as tué, c'est un magicien que tu as mis à mort. Jamais je ne t'oublierai. Tu me trouveras partout. Et maintenant, va, ne te chagrine pas et couche-toi. Le cygne s'envole. Le tsarévitch et la tsarine, après avoir passé tout le jour à jeun, se décident à se coucher ainsi. Voici que le tsarévitch ouvre les yeux et chasse les rêves de la nuit. Émerveillé, il voit devant lui une grande ville. Par-delà, de blanches murailles aux créneaux rapprochés, brillent les coupoles des églises et des saints monastères. Il réveille bien vite la tsarine, celle-ci s'exclame. « Aurais-je deviné ? » dit-il. « Je crois que c'est mon cygne qui se divertit. » La mère et le fils se dirigent vers la ville. À peine ont-ils franchi l'enceinte, que s'élève de tous côtés un carillon étourdissant. La foule se porte en masse au-devant d'eux. Le chœur chante à l'église les louanges de Dieu. En carrosse dorée, une cour somptueuse vint à leur rencontre. Tous leur rendent grand honneur. Ils couronnent le tsarévitch d'un chapeau de prince. Ils le proclament souverain. Au sein de sa capitale, du consentement de la tsarine, dès ce jour, il règne sous le nom de prince Gvidon. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. Toute voile dehors, il s'élance dans les flots. Les navigateurs étonnés se réunissent sur le pont. Sur l'île bien connue, ils voient une merveille. Une ville nouvelle aux coupoles dorées, un fort avec une puissante muraille. Au fort, les canons tonnent, ordonnant aux navires d'accoster. Les marchands abordent à la muraille. Le prince Gvidon les invite chez lui. Il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ses questions. « De quoi trafiquez-vous aux marchands ? Et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru la mer en entier. Nous avons fait le commerce des iblines et des renards noirs. L'heure est maintenant venue pour nous de nous en retourner droit vers l'Orient, par le large de l'île de Bouyan, dans l'empire de l'illustre tsar Saltan. » Le prince leur dit alors « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre tsar Saltan. Saluez-le de ma part. » Les marchands se remettent en route. Du rivage, le prince Gvidon, tout mélancolique, les regarde s'éloigner. Voici que tout à coup, sur les eaux mouvantes, un cygne blanc apparaît. « Bonjour, mon beau prince, » dit-il. « Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur ? De quoi te chagrines-tu ? » Et tristement, le prince lui répond « Un chagrin amer me ronge. Il a brisé ma force. Je voudrais voir mon père. »« C'est ce qui te tourmente ?» réplique le cygne au prince. « Eh bien, écoute, veux-tu t'envoler par-dessus la mer à la suite du navire ?»« Sois donc, prince, un moustique !» Et il bat des ailes, fait jaillir l'eau avec bruit, en éclabousse le prince des pieds à la tête. Celui-ci se rapetisse aussitôt jusqu'à ne plus être qu'un point. Il se transforme en moustique et s'envole en susurrant. Il rattrape le navire en mer et s'y pose légèrement. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement au large de l'île de Bouyan, vers l'empire de l'illustre Saltan, et déjà l'on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar Saltan les invite chez lui. À leur suite, notre audacieux pénètre dans le palais. Tout resplendissant d'or, la couronne sur la tête et une pensée mélancolique sur le visage, le tsar Saltan est assis sur son trône. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, sont assises auprès du tsar et le regardent dans les yeux. Le tsar fait asseoir les marchands à sa table et leur demande « Et vous, messieurs les marchands, avez-vous voyagé longtemps? Fait-il bon vivre par-delà les mers, ou non? Et quelle merveille y a-t-il de par le monde ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru le monde entier. Il fait assez bon vivre par-delà les mers. Et voici quelle merveille il y a de par le monde. Il y avait en mer une île abrupte, inhospitalière, inhabitée. Elle s'étendait en plaine déserte. Un seul chêne croissait sur elle, et maintenant on y voit une ville nouvelle, avec un palais, des églises aux coupoles dorées, des palais et des jardins. Le prince Gvidon y règne, il t'envoie son salut. » Le tsar Saltan, émerveillé, murmure « Si je vis encore, j'irai vers l'île merveilleuse, et rendrai visite à Gvidon. » Mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, ne veulent pas le laisser aller visiter l'île merveilleuse. « Pouah ! Quelle rareté, vraiment !» dit la cuisinière, en clignant malicieusement de l'œil aux deux autres. « Une ville s'élève au bord de la mer. Savez-vous, voici qui n'est qu'une bagatelle. Un sapin se dresse dans une forêt. Au-dessous, un écureuil apprivoisé chantonne. Il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes d'or, et dont les amandes sont de pure émeraude. Voilà ce qu'on appelle une merveille. » Le tsar Saltan s'étonne du prodige. Le moustique rage, rage. Il se pose sur l'œil droit de sa tante et la pique. La cuisinière pâlit, s'évanouit et devient borgne. Les serviteurs, la vieille mère et la sœur, à grands cris, cherchent à saisir le moustique. Maudite bestiole, sors-tu ? Mais lui, par la fenêtre, s'envole tout tranquillement dans son apanage par-delà les mers. Le prince marche à nouveau le long de la mer. Il ne détache pas les yeux de la mer bleue. Voici que sur les eaux mouvantes apparaît le cygne blanc. « Bonjour, mon beau prince. Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur? De quoi te chagrines-tu ? » Et le prince Gvidon de répondre « Un chagrin amer me ronge. Je voudrais posséder une merveille étonnante. Quelque part dans une forêt se dresse un sapin. Sous lui est un écureuil. Une merveille, vraiment, et non une bagatelle. Cet écureuil chantonne. Il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes à coque d'or, et dont les amandes sont de pure émeraude. Mais peut-être n'est-ce qu'un mensonge ? » Le cygne répond au prince. « Ce que l'on compte de l'écureuil est vrai. Je connais cette merveille. Allons, mon prince, ma chère âme, ne te chagrine pas. Je suis heureux de pouvoir te rendre ce service en gage d'amitié. » L'âme réconfortée, le prince rentre chez lui. À peine s'est-il avancé dans la vaste cour qu'il aperçoit, sous un haut sapin, un écureuil qui, devant tous, casse de ses dents une noisette d'or, en retire l'émeraude, ramasse les coques, les range en petits tas réguliers et chantonne en sifflotant. Est-ce dans un jardin ou dans un potager ? Le prince Gvidon s'étonne. « Merci, murmure-t-il, et quel écureuil ! Dieu lui donne ainsi qu'à moi de la gaieté au cœur. » Par la suite, le prince fit construire pour l'écureuil une maison de cristal, mit une garde alentour et chargea un secrétaire de tenir un compte exact des noisettes. Grand profit pour le prince, tout honneur pour l'écureuil. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. Toute voile dehors, il s'élance dans les flots, au large de l'île abrupte, au large de la grande ville. Au port, les canons tonnent, ordonnant au navire d'accoster. Les marchands abordent à la muraille. Le prince Gvidon les invite chez lui. Il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ses questions. « De quoi trafiquez-vous, ô marchand ? Et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru le monde entier. Nous avons fait le commerce des chevaux, uniquement des poulains du Don. L'heure est maintenant venue pour nous de nous en retourner par le large de l'île de Bouyan, vers l'empire de l'illustre Saltan. Devant nous s'étend une longue route. » Le prince leur dit alors « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre tsar Saltan, et dites-lui que le prince Gvidon lui envoie son salut. » Les marchands quittèrent le prince, sortirent et reprirent leur voyage. Le prince se dirige vers la mer. Sur les vagues, déjà, le cygne se joue. « Mon âme est attirée, elle est emportée, » dit le prince. Et de nouveau, en un instant, il l'éclabousse tout entier. Le prince se transforme en mouche, il s'envole, et sur le navire, entre le ciel et la mer, il se pose. Il se blottit dans une fente. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement au large de l'île de Bouyan vers l'empire de l'illustre sultane, et déjà l'on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar sultan les invite chez lui. À leur suite, notre audacieux pénètre dans le palais. Tout resplendissant d'or, la couronne sur la tête et une pensée mélancolique sur le visage, le tsar sultan est assis sur son trône. La filandière et Baba Rikla, ainsi que la cuisinière, sont assises auprès du tsar et semblent de méchants crapauds. Le tsar fait asseoir les marchands à sa table et leur demande « Et vous, messieurs les marchands, avez-vous voyagé longtemps? Fait-il bon vivre par-delà les mers ou non? Et quelle merveille y a-t-il de par le monde ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru le monde entier. Il fait assez bon vivre par-delà les mers. Et voici quelle merveille il y a de par le monde. Une île s'étend sur la mer, une ville se dresse sur cette île, avec des églises aux coupoles dorées, des palais et des jardins. Un sapin croît devant le palais. Sous lui s'érige une maison de cristal. Là vit un écureuil apprivoisé. Quel espiègle ! Il chantonne. Il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes à coque d'or et dont les amandes sont de pures émeraudes. Des serviteurs veillent sur l'écureuil, le servent de toute façon. Un secrétaire de chancellerie lui est préposé avec l'ordre de tenir un compte exact des noisettes. L'armée rend les honneurs à l'écureuil. Les coques sont coulées en pièces de monnaie que l'on met en circulation partout l'univers. Les jeunes filles mettent les émeraudes en lieu sûr dans les celliers. Tous sont riches dans cette île. Plus d'isba, mais partout des palais. Le prince Gvidon y règne. Il t'envoie son salut. Le tsar sultan s'étonne du prodige. « Si je vis encore, dit-il, j'irai voir l'île merveilleuse et rendrai visite à Gvidon. » Mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Baba Rikla, ne veulent pas le laisser aller visiter l'île merveilleuse. S'esclaffant sous cap, la filandière dit au tsar « Qu'y a-t-il de merveilleux là-dedans? Voyons, un écureuil grignote de petites pierres, jette de l'or et amoncelle des émeraudes. Il faut plus que cela pour nous étonner. Que ceci soit vrai ou faux, il est au monde une autre merveille. La mer se soulève, houleuse, bouillonne. » Hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse et apparaît sur la grève, tout couvert d'écailles, étincelant comme le feu. 33 beaux gâtirs, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur, Tchernomor, est avec eux. C'est une vraie merveille, on peut le dire en toute justice. Sages, les marchands se taisent, ils ne veulent pas discuter avec elle. Le tsar sultan s'émerveille. Gvidon rage, rage, il bourdonne et se pose sur l'œil gauche de sa tante et la filandière blêmit. Aïe! Et aussitôt elle devient borgne, tous clament « Attrape, attrape, écrase-la, écrase-la! Attends un peu, attends !» Mais le prince, par la fenêtre, s'envole tout tranquillement dans son apanage, par-delà les mers. Le prince marche le long de la mer bleue. Il ne détache pas les yeux de la mer bleue. Voici que sur les eaux mouvantes apparaît le cygne blanc. « Bonjour, mon beau prince. Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur? De quoi te chagrines-tu ? » Et le prince Gvidon de répondre « Un chagrin amer me ronge. Je voudrais avoir dans mon apanage une merveille étonnante. Et quelle est cette merveille ? » Où l'océan se soulève, houleux, hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse, apparaissent sur la grève, tout couvert d'écailles, étincelant comme le feu, 33 beaux gâtirs. Tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur, Tchernomor, est avec eux. « C'est ce qui te tourmente ?» réplique le cygne au prince. « Ne te chagrine pas, mon âme. Je connais cette merveille. Ces chevaliers de la mer, mais ce sont mes propres frères. Ne t'attriste pas. Va, attends leur visite. » Oubliant son chagrin, le prince s'en alla, s'assit sur le haut d'une tour et se mit à contempler la mer. Tout à coup, la mer se soulève, houleuse, se brise dans sa course fougueuse et laisse sur la grève 33 beaux gâtirs, tout couverts d'écailles, étincelants comme le feu. Ils s'avancent deux par deux. Tchernomor, aux cheveux d'un gris d'argent, marche en avant et les mène vers la ville. Le prince Gvidon descend précipitamment de la tour. Il marche à la rencontre de ses chers invités. Le peuple accourt en hâte. Tchernomor dit au prince « Le ciel nous envoie vers toi. et nous donne l'ordre express de veiller sur ton illustre ville et de monter la garde alentour. Tous les jours, désormais, sous tes hautes murailles, nous sortirons ensemble de l'onde marine. Ainsi, nous nous reverrons bientôt. Il est temps pour nous de nous en retourner dans la mer. L'air de la terre nous est lourd. Tous se retirèrent ensuite chez eux. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. Toute voile dehors, il s'élance dans les flots, au large de l'île abrupte, au large de la grande ville. Au port, les canons tonnent, ordonnant au navire d'accoster. Les marchands abordent à la muraille. Le prince Gvidon les invite chez lui. Il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ses questions. « De quoi trafiquez-vous, ô marchands ? Et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru le monde entier. Nous avons fait le commerce de l'acier de Damas, de l'argent pur et de l'or. L'heure est maintenant venue pour nous de nous en retourner par le large de l'île de Bouyan, vers l'empire de l'illustre sultane. Devant nous s'étend une longue route. Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre tsar sultane. Et dites-lui que le prince Gvidon lui envoie son salut. » Les marchands quittèrent le prince, sortirent et reprirent leur voyage. Le prince se dirige vers la mer. Sur les vagues, déjà, le cygne se joue, le prince lui dit encore « Mon âme est attirée, elle est emportée. » Encore, en un clin d'œil, il l'éclabousse tout entier. Le prince aussitôt devient petit, petit. Il se transforme en bourdon et, bourdonnant, s'envole. Il rattrape le navire en mer et se pose doucement sur sa poupe. Il se blottit dans une fente. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement au large de l'île de Bouyan vers l'empire de l'illustre sultane, et déjà l'on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar sultan les invite chez lui. À leur suite, notre audacieux pénètre dans le palais. Tout resplendissant d'or, la couronne sur la tête et une pensée mélancolique sur le visage, le tsar sultan est assis sur son trône. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, sont assises auprès du tsar et le regardent de tous leurs yeux. Le tsar fait asseoir les marchands à sa table et leur demande « Et vous, messieurs les marchands, avez-vous voyagé longtemps? Fait-il bon vivre par-delà les mers ou non? Et quelle merveille y a-t-il de par le monde ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru le monde entier. Il fait assez bon vivre par-delà les mers. Et voici quelle merveille il y a de par le monde. Une île s'étend sur la mer. Une ville se dresse sur cette île et tous les jours il y passe ce prodige. La mer se soulève houleuse, bouillonne, hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse, et reste sur le rivage 33 beaux gâtirs, tout couverts d'écailles, étincelants comme le feu, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur vieux gouverneur, Tchernomor, sort avec eux de la mer, il les fait avancer deux par deux, pour veiller sur l'île et monter la garde alentour. Il n'est pas de garde plus sûre, ni plus courageuse, ni plus vigilante. Le prince Gvidon règne là-bas. Il t'envoie son salut. » Le tsar s'étonne du prodige. « Si je vis encore, dit-il, j'irai voir l'île merveilleuse et rendrai visite à Gvidon. » La cuisinière et la filandière ne soufflent mot, mais Babarikla s'esclaffe. « Qui nous étonnera avec ça ? Dit-elle. « Les hommes sortent de la mer. Ils errent en montant la garde. Que ce soit vrai ou faux, je ne vois là rien d'extraordinaire. De ces merveilles, le monde est plein. En toute vérité, voici ce que l'on raconte. Il est, par-delà les mers, une princesse si belle que l'on ne peut en détacher les yeux. Le jour, elle éclipse la lumière de Dieu. La nuit, elle éclaire la terre. Un croissant de lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Elle-même s'avance, majestueuse. Sa démarche est celle d'une paonne. Ses paroles coulent comme le murmure d'un ruisseau. On peut dire en toute justice que c'est là une vraie merveille. Sages, les marchands se taisent. Ils ne veulent pas discuter avec la vieille femme. Le tsar sultan s'émerveille. Le tsarevitch, malgré sa colère, a pitié des yeux de sa vieille grand-mère. Il tourne en bourdonnant autour d'elle, se pose droit sur son nez et le pique. Une cloque surgit sur le nez. Et de nouveau, l'alarme jetée. « Au secours, au nom de Dieu, à la garde! Attrape, attrape! Écrase-le, écrase-le! Attends un peu, attends !» Mais le bourdon, par la fenêtre, s'envole tout tranquillement dans son apanage par-delà les mers. Le prince marche le long de la mer bleue. Il ne détache pas les yeux de la mer bleue. voici que sur les eaux mouvantes apparaît le cygne blanc. « Bonjour, mon beau prince. Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur? De quoi te chagrines-tu ? » Et le prince Gvidon de répondre « Un chagrin amer me ronge. Tous les hommes sont mariés. Je vois que moi seul, je ne le suis pas. Et qui désires-tu ? » Il y a, dit-on, de par le monde, une princesse si belle que l'on ne peut en détacher les yeux. Le jour, elle éclipse la lumière de Dieu. La nuit, elle éclaire la terre. Un croissant de lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Elle-même s'avance, majestueuse. Sa démarche est celle d'une paonne. Ses paroles coulent comme le murmure d'un ruisseau. Mais quelle est la vérité ? Le prince attend la réponse avec anxiété. Le cygne blanc se tait. Il réfléchit et dit « Oui, il est une telle jeune fille. Mais une femme n'est pas un gant. On ne peut la secouer de sa blanche main. On ne la passe pas dans sa ceinture. Je te donnerai ce conseil. Réfléchis à tout ceci de peur de te repentir ensuite. » Le prince lui jure qu'il est temps pour lui de se marier, qu'il a déjà réfléchi à tout cela, et que d'un cœur passionné, il est prêt à partir à la recherche de la belle princesse jusque dans la 27e contrée. Poussant un profond soupir, le cygne dit alors « Pourquoi si loin ? Sache que ta destinée est proche, car cette princesse, c'est moi. » Puis il battit des ailes, s'envola au-dessus des vagues et du haut des airs descendit dans les buissons. Là, il secoua ses ailes et se transforma en princesse. Un croissant de lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Elle s'avance, majestueuse. Sa démarche est celle d'une paonne. Ses paroles coulent comme le murmure d'un ruisseau. Le prince embrasse la princesse. Il la serre sur sa blanche poitrine. Bien vite, il l'amène auprès de sa mère. Il se jette à ses pieds et l'implore. « Oh, ma mère, pour moi, j'ai choisi une femme. Pour toi, une fille obéissante. Nous te prions tous deux de nous donner ton consentement et ta bénédiction. Bénis tes enfants, qu'ils vivent dans l'union et dans l'amour. » Sur leur tête soumise, la mère tient une icône miraculeuse. Elle pleure et leur dit « Dieu vous récompensera, mes enfants. » Sans faire de longs préparatifs, le prince épousa la princesse et ils se mirent à vivre au fil des jours dans l'attente d'un enfant. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. Toute voile dehors, il s'élance dans les flots, au large de l'île abrupte, au large de la grande ville. Au port, les canons tonnent, ordonnant au navire d'accoster. Les marchands abordent à la muraille. Le prince Gvidon les invite. Il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ses questions. « De quoi trafiquez-vous, ô marchands ? Et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre « Nous avons parcouru le monde entier. Nous nous en retournons chez nous, vers l'Orient, par le large de l'île de Bouyane, dans l'empire de l'illustre Saltane. Devant nous s'étend une longue route. » Le prince leur dit alors « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre tsar Saltane. Et rappelez à votre empereur qu'il a promis de venir me rendre visite. Jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Je lui envoie mon salut. » Les navigateurs reprirent leur voyage. Cette fois, le prince Gvidon resta chez lui. Il ne quitta pas sa femme. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement au large de l'île de Bouyane, vers l'empire de l'illustre Saltane, et déjà l'on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar Saltane les invite chez lui. Dans son palais, le tsar trône, la couronne sur la tête. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarekla, sont assises auprès du tsar et regardent de tous leurs yeux. Le tsar fait asseoir les marchands à sa table et leur demande « Et vous, messieurs les marchands, avez-vous voyagé longtemps ? Fait-il bon vivre par-delà les mers ou non ? Et quelle merveille y a-t-il de par le monde ?» Les navigateurs de répondre « Une île s'étend sur la mer. Une ville se dresse sur cette île avec des églises aux coupoles dorées, des palais et des jardins. Un sapin croît devant le palais. Sous lui s'érige une maison de cristal. Là vit un écureuil apprivoisé. Quel espiègle ! Il chantonne. Il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes à coque d'or, et dont les amandes sont de pure émeraude. On chérit l'écureuil, on le dorlote. Il est là-bas encore une autre merveille. » La mer se soulève houleuse, bouillonne, hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse, et apparaît sur la grève, tout couvert d'écailles, étincelant comme le feu, 33 beaux gâtirs, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur Tchernomor est avec eux. Il n'est pas de garde plus sûre, ni plus courageuse, ni plus vigilante. Le prince a une femme si belle qu'on ne peut en détacher les yeux. Le jour, elle éclipse la lumière de Dieu. La nuit, elle éclaire la terre. Un croissant de lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Le prince Gvidon gouverne cette ville. Tous le louent hautement. Il t'envoie son salut. Il te reproche d'avoir promis de venir le voir et de ne pas l'avoir fait encore. Le tsar n'y peut plus tenir. Il ordonne d'armer une flotte. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, ne veulent pas le laisser aller visiter l'île merveilleuse. Mais Saltan ne les écoute pas, il les fait taire. « Qui suis-je? Un tsar ou un enfant ?» dit-il, et non pour plaisanter. « Je partirai ce soir. » Puis il tapa des pieds et sortit en claquant des portes. Le prince Gvidon est assis à la fenêtre. En silence, il contemple la mer. Elle ne bruit, ni ne déferle, elle tressaille à peine. Dans les lointains azurés apparaissent des navires. Sur les plaines de l'océan glisse la flotte du tsar Saltan. Le prince Gvidon sursaute alors, il s'écrie à haute voix. « Ma mère, ma jeune princesse, regardez là-bas, mon père vient ici !» La flotte approche déjà de l'île. Le prince Gvidon prend sa lunette d'approche. Le tsar Saltan se tient sur le pont et le regarde avec une lunette. La filandière et la cuisinière ainsi que la vieille mère Babarikla sont avec lui. Elle s'étonne à la vue de cette contrée nouvelle. Les canons tonnent à l'unisson. Les carillons s'ébranlent dans toutes les églises. Gvidon lui-même se rend au bord de la mer. Il y rencontre le tsar, la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla. Il les mène vers la ville sans mot dire. Tous se rendent maintenant au palais. À la porte, des cuirasses étincellent. Devant le tsar se tiennent 33 bougatirs, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur Tchernomor est avec eux. Le tsar s'avance dans la vaste cour. Là, sous un haut sapin, un écureuil chantonne. De ses dents, il casse une noisette d'or, en retire l'émeraude et la glisse dans un petit sac. Toute la vaste cour est parsemée de coques d'or. Les invités approchent. Ils se hâtent de regarder. Et que voient-ils? Une merveilleuse princesse est devant eux. Une lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Elle-même s'avance, majestueuse, sa démarche est celle d'une paonne. Elle mène sa belle-mère. Le tsar regarde et reconnaît. Son cœur saute de joie. Que vois-je? Qu'est-ce? Comment? Et son souffle se suspend. Le tsar éclate en sanglots. Il serre dans ses bras la tsarine, son fils et la jeune femme. Tous prennent place à table et un joyeux festin commence. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarikla, se cachèrent dans les coins. À grand-peine, on les y trouva. Alors, elles avouèrent toute la vérité, s'accusèrent, se mirent à sangloter. Vu la grande joie, le tsar les laissa toutes trois s'en retourner chez elles. Le jour prit fin. On coucha le tsar Saltan à demi-sou. J'y étais. Je bus l'hydromel et la bière, mais je ne fis qu'y tremper mes moustaches. Ainsi s'achève Conte du tsar Saltan et de la belle princesse Signe par Alexandre Pouchkine.